un nightmare, c'est au calvaire. Faut le voir pour le croire. Rien de design, ça boit du sky, pas de la Valvert. Voici la nouvelle vague, marche papine sous mes plates-bandes. De mode acquise, cause Capanam, c'est pas Cap-Vert. Touche pas l'alarme, y'a pas de grande sûreté. ODT, c'est la rareté, ramasse les restes à la raclette. J'suis pas ciné barclé, mais j'te renvoie à la clinique. Pas de bling, moi veux pas de frites, mais des frics dans ma barquette. ODT, une arrivée remarquée. Tu repars les gens barqués, comme Patricia Arquette. T'es doré le parquet, à croire qu'on est largué. À croire que tout s'achète, comme au supermarket. Moi j'les fourre à que des 16 mecs. Je vais pas attendre 100 ans qu'on me libère, comme dans l'affaire Zeznek. J'tire ma référence au révérend. ODT, une référence, comme ces vétérans de la 3ème guerre.